J. Coronavirus oblige, nous sommes cette semaine dans la rediffusion d'anciens épisodes d'Histoire vivante, épisodes que nous avions consacrés alors aux épidémies et aux pandémies. Aujourd'hui, suite de l'épisode intitulé numéro 11. Les scientifiques de l'OMS sont perplexes. Il est difficile de dire maintenant comment la maladie va évoluer. La grippe aviaire en Turquie, 9 personnes contaminées, 3 en sont mortes. Détecter d'éventuels signes de mutation du virus. Alors comment la situation va-t-elle évoluer? À vrai dire, on n'en sait rien. La grippe ne se propage pas en une seule grande vague épidémique. Il ne s'agit pas d'un grand tsunami. Elle se propage en plusieurs vagues, comme cela a toujours été le cas. Cette semaine, pandémie et maladie négligée. Grippe, malaria et paludisme. De Pasteur à Bill Gates. Pour combattre la maladie, il fallait d'une part non seulement tuer les rats, dératiser, mais il fallait également désinsectiser pour tuer les puces, afin de rompre cette chaîne épidémique. Un grand pas dans la lutte contre le sida. Le virus de la polio s'accroche encore dans une trentaine de pays dans le monde. Généralement, quand un virus revient, il est alors plus sévère qu'initialement, car il veut survivre. 1933, Charles Nicolle de l'Institut Pasteur, prix Nobel de médecine 5 ans auparavant, écrit « Il y aura donc des maladies nouvelles. C'est un fait fatal. Un autre fait, aussi fatal, est que nous ne saurons jamais les dépister dès leur origine. Lorsque nous aurons notion de ces maladies, elles seront déjà toutes formées, adultes pourrait-on dire. Elles apparaîtront comme Athéna parue, sortant tout armée du cerveau de Zeus. Comment les reconnaîtrons-nous, ces maladies nouvelles? Comment soupçonnerons-nous leur existence avant qu'elles n'aient revêtu leur costume de symptômes? Il faut bien se résigner à l'ignorance des premiers cas évidents. Ils seront méconnus, confondus avec des maladies déjà existantes. Ce n'est qu'après une longue période de tâtonnement que l'on dégagera le nouveau type pathologique du tableau des affections déjà classées. Novembre 2002. En quelques mois, un virus inconnu surgit de Chine. Le SRAS contamine 9000 personnes et en tue près de 800. La peur s'empare des populations. Le professeur Guan, spécialiste des grippes, est chargé du dossier SRAS. Il doit agir rapidement. De nombreux cas apparaissent chaque jour. Il semble que le virus soit hautement contagieux. La mission du professeur Guan: isoler le virus, trouver son origine, son mode de transmission. La Chine du Sud réunit toutes les conditions pour le développement de nouveaux virus. La concentration humaine est ici la plus importante au monde et la proximité entre les hommes et les animaux domestiques ou sauvages est maximale. Les civettes d'élevage clandestin sont suspectées d'être le réservoir naturel du SRAS. Elle porterait le virus sans tomber malade. Ces rongeurs sauvages, véritables gourmandises des Chinois, se négocient à prix d'or. Sur les marchés au cœur des grandes villes, la promiscuité entre hommes et animaux est une véritable bombe à retardement pour la propagation de virus mutants comme le SRAS. Un virus, c'est un mort-vivant à l'affût d'un squat. Pour se reproduire, le virus doit pirater une cellule vivante. Son anatomie est des plus simples. Ses protéines de surface lui permettent d'entrer dans une cellule spécifique. À l'intérieur se trouvent les ingrédients nécessaires à sa reproduction. Son matériel génétique, formé de brins d'ADN, est complété parfois par de l'ARN. Les virus à ARN sont plus dangereux car les évolutions sont plus fréquentes. Et le SRAS fait partie de cette catégorie à haut risque. Le SRAS fait partie de la famille des coronavirus, appelés ainsi du fait du halo en forme de couronne qui les entoure. Le SRAS se multiplie en 8 heures dans la cellule. Son génome est le plus grand des virus à ARN, ce qui lui donne un potentiel élevé de mutation. Jusqu'à la fin 2002, le SRAS est entouré du plus grand secret. Face au risque de pandémie mondiale, un véritable arsenal de mesures est déployé, qui transforme le quotidien des Chinois. Le professeur Guan doit donc enquêter discrètement et incognito. Pas de véhicule officiel, pas de blouse blanche pour ne pas effrayer les populations. Les élevages de volailles sont surveillés de près. Ils sont également un vecteur de transmission possible des virus à l'homme. Les alertes de grippe du poulet de 91 et 97 sont encore dans les mémoires des Chinois. Si la plupart des Chinois restent cloîtrés chez eux, le professeur Guan multiplie ses passages aux frontières. Frontières où les contrôles en vigueur sont décuplés. Le port du masque devient obligatoire, les normes sanitaires draconiennes. La Chine est alors presque mise en quarantaine. Dans les grands aéroports du pays, des capteurs thermiques scrutent les foules des voyageurs. Tout individu présentant des symptômes de température au-dessus de la normale est immédiatement intercepté, soumis à un contrôle plus précis. Les cas suspects de fièvre sont répertoriés dans un registre tenu par les agents affectés à la surveillance sanitaire. Aux frontières, des fiches de renseignement de santé doivent impérativement être remplies par les voyageurs. If the SARS still in the wildlife, professeur Guan, toutes les conditions sont réunies pour que le SRAS revienne. Les populations humaines et animales restent les mêmes. Leur proximité est toujours maximale, rien n'a changé. Donc le virus reviendra, c'est sûr, mais on ne sait pas quand. Généralement, quand un virus revient, il est alors plus sévère qu'initialement, car il veut survivre. Le SRAS a fait ressurgir les vieux démons, ceux de la grippe espagnole de 1918. Pour Jeffrey Tottenberger, il n'est plus question qu'une telle hécatombe se reproduise. Lui s'est donné pour objectif de percer le secret de ce virus de la grippe si meurtrier. Nous savons maintenant que le virus de la grippe espagnole a probablement été inhalé par quasiment toute personne vivante en 1918. Entre un tiers et la moitié sont tombés malades. Parmi les malades, un pourcentage très élevé est mort. Extrait de La Grande Tueuse, documentaire d'histoire vivante diffusé en 2007, signé Christophe Weber. Professeur John Oxford, du Queen Mary's College. 20 000 personnes meurent, c'est une statistique. Si une personne meurt, c'est une tragédie. C'est comme ça qu'on doit voir les choses quand on parle de la grippe espagnole. Je peux vous donner l'exemple de ce couple du Flintshire, une province isolée d'Angleterre. Quand ils se marient en octobre 1918, ils se connaissent depuis à peine 8 semaines. Soudainement, la grippe espagnole se répand dans toute la communauté. Elle frappe et détruit le couple. Le jeune marié meurt en laissant sa femme seule. Elle a une photo, c'est tout ce qu'elle possède. Elle a posé cette photo à côté de son lit, et pour le restant de sa vie, cette photographie est là, celle de son premier amour. Prenez cette anecdote, multipliez-la par 50 millions et vous comprendrez les effets de la grippe espagnole. John Barry, historien. La médecine moderne venait à peine d'obtenir de grands succès. On savait comment fabriquer des vaccins contre les maladies infectieuses et on était plutôt bon dans ce domaine. On savait aussi fabriquer des sérums pour soigner ces maladies, avec des résultats plus mitigés, même s'ils avaient certains effets. Sans aucun doute, nous étions alors arrogants et sûrs de nos aptitudes à identifier les maladies et à les traiter. Anne Rasmussen, historienne de la médecine. Ce triomphalisme médical, alors il est absolument présent et même écrasant pendant la guerre, c'est-à-dire que nous avons réussi à maîtriser le phénomène pathologique. Il n'y a quasiment plus de malades. C'est vrai sur le front occidental, la typhoïde est maîtrisée par le vaccin, il n'y a aucun ou quasiment pas de cas de typhus ni de choléra. Donc c'est un grand triomphe. Et en 1918, avant la fin de la guerre et avant la grippe, les services de santé, qui quand même commencent à entrevoir la fin des opérations, opération disent ça sera véritablement grâce à notre concours, si ce n'est d'abord grâce à nous, que la guerre sera terminée et victorieuse dans notre camp. Professeur John Oxford, du Queen Mary's College. La grippe ne se propage pas en une seule grande vague épidémique. Il ne s'agit pas d'un grand tsunami. Elle se propage en plusieurs vagues, comme cela a toujours été le cas. C'est comme lorsqu'on jette une pierre dans un étang. Elle provoque une vaguelette, puis une autre, et ainsi de suite. C'est comme ça que se propage la grippe. La plupart des gens, en 1918 comme aujourd'hui, sont contaminés par la grippe de deux manières. Soit vous vous approchez de quelqu'un d'infecté et vous inspirez son souffle, mais il peut aussi tousser ou éternuer sur vous. Soit le porteur du virus tousse ou éternue sur une surface. Et quelqu'un d'autre passe par là, parfois quelques heures plus tard, touche cette surface et porte la main à sa bouche. Jeffrey Tottenberger, Institut national des allergies et des maladies infectieuses. Une épidémie s'est déclenchée tôt dans l'année 1918, vers mars-avril. Cette épidémie ne semblait pas alors si virulente. Professeur John Oxford, du Queen Mary's College. Je pense que la Grande Guerre a contribué à l'émergence de la grippe. Les deux événements allaient de pair. Ils étaient entrelacés comme deux danseurs qui n'auraient pas pu bouger l'un sans l'autre. Ces deux-là dansaient vraiment ensemble. Une grippe espagnole plus meurtrière que la Grande Guerre. Entre 50 et 100 millions de morts en moins d'un an. Les victimes devenues noirâtres décèdent en quelques jours, asphyxiées, les poumons noyés dans leur propre liquide. Près de 40% des soldats américains morts pendant la Première Guerre mondiale le sont par la grippe espagnole. Il faudra attendre une vingtaine d'années pour comprendre que le responsable était un virus. Histoire vivante. Cette semaine, pandémie et maladies négligées. Aujourd'hui, numéro 11. L'Institut de pathologie des forces armées américaines renferme des archives inattendues. Conservées dans des petits blocs de cire depuis 130 ans, des millions d'échantillons de tissus prélevés sur des victimes de maladies sont stockés sur place. Une véritable mine d'or pour Jeffrey Tottenberger, dans sa traque de la grippe espagnole. 1995, quelques fragments retrouvés dans la banque de tissus permettent d'entamer le séquençage du génome du virus de la grippe espagnole. Mais encore insuffisant pour tirer le portrait robot du tueur. Entre alors en scène un homme providentiel, le docteur Johan Ultin. Un jour, un collègue qui me rendait visite me dit « Ce serait intéressant d'aller explorer en Alaska pour retrouver dans le sol gelé des corps des victimes de la pandémie de 1918. » Quand j'ai entendu ça, je me suis dit « C'est pour moi. » Le victime number 11, La victime numéro 11 fut une révélation. J'étais tellement heureux quand je l'ai découverte. J'étais certain d'y trouver du matériel génétique du virus de la grippe de 1918. C'est une photo d'une femme que j'ai retrouvée sous 2 mètres de sol gelé. Elle était morte de la grippe espagnole en novembre 1918 et son corps était remarquablement momifié. En fait, elle devait être obèse de son vivant et ses organes internes étaient très bien conservés. C'est pourquoi j'ai pu trouver de bons échantillons de tissu pulmonaire. Pendant un demi-siècle, John Hultin traque sans relâche le virus dans le sol gelé d'Alaska. Déterrer un tel virus présentait-il un danger ? Dr. Reed, de l'Institut de pathologie des forces armées américaines. Il n'y a pas de risque à étudier le virus de la grippe de 1918 tel que nous le faisons. Nous travaillons sur des échantillons infimes de tissus de victimes qui sont mortes il y a plus de 80 ans. Il n'y a plus de virus vivant dans les tissus. Jeffrey Totenberger et John Hultin sont désormais entrés dans l'histoire de la virologie. Après 10 ans d'efforts, le génome complet du virus de la grippe espagnole est enfin séquencé. Ce travail colossal n'explique pas la virulence du virus, car son génome ne présente pas de mutation déterminante. La grippe de 1918 serait à l'origine un virus d'oiseau dont les protéines de surface auraient changé juste assez pour franchir la barrière de l'espèce et infecter l'homme. Professeur John Oxford du Queen Mary's College. Le virus de la grippe espagnole est en fait similaire à n'importe quel autre virus de la grippe. La partie intérieure est très importante, car c'est là que se trouve l'information génétique du virus. Elle est basée sur le même principe que le génome humain, mais en plus petit, bien entendu. Les protéines importantes sont ici. Voici H1 et voici N1. Cette protéine, ici, a le rôle le plus important. Quand en 1918, les gens étaient infectés par ce virus, la première chose qui se passait, c'est que ce virus, utilisant cette protéine, entrait dans leur organisme par les voies respiratoires. Ce virus s'accrochait ensuite sur une cellule de la gorge ou de l'intérieur du nez en utilisant cette protéine. À partir de ce moment-là, rien n'était visible pendant à peu près 12 heures. Tout se passait alors sous la surface, à l'intérieur du corps. Le virus qui avait pénétré l'une des cellules insérait ces informations génétiques dans le génome de cette cellule. Et celle-ci les dupliquait, reproduisant ainsi le virus. En moins de 10 heures, des dizaines de milliers de copies de ce virus étaient ainsi achevées, et ces dizaines de milliers de nouveaux virus infectaient des dizaines de milliers d'autres cellules. Tens of thousands of other cells in the upper airways. So you can soon appreciate. C'est comme une réaction atomique. Like a chain reaction. So after about. Au bout de 24 heures, des millions de virus occupaient cette partie du corps. Et soudain, l'organisme réalisait qu'un ennemi venait de l'envahir en brisant ses défenses. That's landed. That's breached the defenses and begins. Il commençait alors à réagir. Et c'est à ce moment-là que les premiers symptômes cliniques se manifestaient. Maux de tête, fièvre, courbatures et problèmes respiratoires. Anne Rasmussen, historienne de la médecine. Il y a déjà une question de circulation de l'information qui est soumise à des systèmes de contraintes dues à la guerre, donc à la censure en particulier. L'information sanitaire est considérée comme très sensible, donc ce qui concerne les épidémies est spécialement mis sous le boisseau et interdit de diffusion dans la presse. C'est pourquoi souvent les autorités sanitaires communiquent par code et utilisent pour ça la terminologie en vigueur dans l'armée qui est de dénommer chaque pathologie par un numéro Et la grippe est la maladie 11, et c'est souvent comme ça, en fait, qu'on la voit nommée, de façon précisément à ne pas en répandre l'idée dans la population. Jeffrey Totenberger, Institut national des allergies et des maladies infectieuses. En analysant les gènes du virus après l'avoir séquencé et reconstruit, nous estimons aujourd'hui qu'il est d'origine aviaire. C'est un type de virus qui peut se transmettre à un grand nombre d'espèces. Il infecte les humains, les chevaux, les cochons, les oiseaux domestiques comme les poules et les dindes. Il infecte aussi les oiseaux sauvages comme les canards et les oiseaux de mer, mais ses particularités lui ont permis de s'adapter à l'être humain tout en gardant son caractère aviaire. Le virus de 1918 nous donne donc des indices sur la manière dont un virus aviaire peut muter pour devenir un virus humain. Professeur John Oxford du Queen Mary's College. En dehors de la nature même du virus, que nous connaissons un petit peu mieux aujourd'hui, la question la plus importante est d'où vient-il ? Vient-il du sud-est asiatique ? Est-il apparu en Europe ? Et l'autre question importante est combien de temps a-t-il mis pour se développer ? Ce n'était apparemment pas instantané. Le virus est-il soudainement apparu en 1918 pour tuer 50 millions de personnes en moins d'un an ? Ou bien a-t-il pris plusieurs années pour en arriver là ? Jeffrey Totenberger, Institut national des allergies et des maladies infectieuses. Historiquement, la plupart des gens ont considéré que le virus était apparu aux États-Unis au début de 1918. Mais ce que cela veut vraiment dire, c'est que c'est aux États-Unis qu'il a été décrit pour la première fois dans la littérature médicale. Cela ne veut pas dire qu'il vient des États-Unis. Au moment de la première épidémie officiellement constatée, en mars 1918, le virus s'était déjà probablement développé dans le monde entier. Il était aux États-Unis, mais on a maintenant des preuves qu'il était aussi en Europe et en Chine. Pour moi, cela veut donc dire que ses origines remontent à une période antérieure à 1918. Professeur John Oxford, du Queen Mary's College. Cela aurait pu être n'importe où dans le monde. Nous cherchons donc un lieu accueillant des oiseaux migrateurs et aussi des oiseaux domestiques, comme des canards, des oies ou des poules. Nous cherchons aussi un lieu regroupant beaucoup de gens. Des preuves permettent d'affirmer que tous ces facteurs étaient réunis sur le front ouest, en France, dans le camp militaire britannique d'Étaples, de fait, dès 1916. La guerre a créé l'opportunité permettant à ce virus d'émerger. Elle a créé les circonstances dans lesquelles 3 millions de jeunes gens, et je ne parle ici que de l'armée britannique, ont été entassés dans un espace restreint du nord de la France. Des centaines de milliers de tonnes de produits chimiques et au moins 24 différents types de gaz ont été utilisés contre ces soldats et ont empoisonné leur système respiratoire. Pour nourrir ses troupes, l'armée britannique avait introduit des canards, des oies et toutes sortes de volailles dans ses camps. Tous les facteurs favorables à l'émergence de la grippe étaient réunis. Et comme si cela ne suffisait pas, Étaples se trouvait exactement sur la route migratoire des oies et des cygnes potentiellement infectés qui venaient de Sibérie pour se rendre en Afrique du Sud. Histoire vivante. Cette semaine, pandémie et maladies négligées. Aujourd'hui, numéro 11. Un grand pas dans la lutte contre le sida. Le virus de la polio s'accroche encore dans une trentaine de pays dans le monde. Lentement mais sûrement, le virus Ebola continue ses dégâts sans un mort. Le combat contre cet ennemi invisible va se dérouler sur plusieurs. Les scientifiques de l'OMS sont perplexes. Il est difficile de dire maintenant comment la maladie va évoluer. La grippe aviaire en Turquie, 9 personnes contaminées, 3 en sont mortes. De détecter d'éventuels signes de mutation du virus. Alors comment la situation va-t-elle évoluer ? À vrai dire, on n'en sait rien. Voilà plus d'un siècle que les scientifiques cherchent à comprendre le monde infiniment petit des virus. Cette compréhension ouvre des mondes multiples. Virus, rétrovirus, virus mortel, mais également virus favorable à l'humain. Les virus ont souvent d'étranges comportements. Ainsi, le virus Epstein-Barr, un virus présent chez 90% d'entre nous, sans pour autant qu'il se manifeste. Pierre Sonigo, virologiste. Et ce qui est très surprenant avec le virus d'Epstein-Barr, c'est sa capacité à disparaître et à réapparaître. Donc si on prend, et on peut se demander effectivement pourquoi, parce que la réapparition du virus, c'est la maladie, donc c'est quand même quelque chose qu'on aimerait contrôler et comprendre. Alors l'Epstein-Barr appartient à la famille des virus de l'herpès, et c'est vrai que les virus d'herpès sont assez caractéristiques par la façon qu'ils ont de rester éteints pendant de nombreuses années, puis tout d'un coup sortir. De la maladie du premier baiser qui provoquera une sorte d'angine sans réelle conséquence, au cancer foudroyant dans certains pays d'Afrique, le même virus semble ne pas obéir aux mêmes lois. Il se développe selon l'environnement dans lequel il se trouve. Pierre Sonigo. Pour essayer de comprendre les raisons de ces différences, qui sont un des gros sujets difficiles aujourd'hui de la virologie, on a tendance, en première approche, à se mettre dans une vision un peu militaire, entre d'un côté le corps et ses défenses immunitaires, et de l'autre la machine infernale virale. Quand on est dans ce cadre de pensée, la question de la diversité des maladies ou non-maladies induites par les virus face à des organismes différents est difficile à comprendre. C'est tellement difficile à comprendre que des fois on se dit « Tiens, il y a des virus qui ne rendent pas malades, comment c'est possible ?» Nos critères, ça va être un virus qui est bon ou qui est mauvais pour nous. Mais nous, ça ne veut rien dire pour le virus. Il ne sait pas ce que c'est. Il n'y a que notre cerveau qui conçoit ce que c'est que nous et ce que c'est qu'une bonne ou une mauvaise relation. On peut même dire que les cellules de notre corps que le virus infecte, elles n'ont pas non plus une grande idée de qui nous sommes et de cette espèce d'entité pour laquelle elles seraient censées travailler. Et c'est, je dirais, la façon dont tous ces éléments se combinent qui fait que la relation sera bonne ou mauvaise. Notre épisode était intitulé « Numéro 11, une réalisation d'Isabelle Barthes ». Demain, la suite de cette rediffusion. Je rappelle que pour cause de coronavirus, nous sommes allés chercher, puiser, gratter dans les archives d'Histoire vivante pour aller exhumer cette thématique que nous avions réalisée alors sur le thème tristement d'actualité des pandémies et des épidémies. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Assistana de production, Corinne Rochat, Valérie Danton, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.